cougars. Où sont les cougars? Cougars! Cougars! Où sont les cougars? Où sont les cougars? Où sont les cougars? Où sont les cougars? Cougars! Here come the time when we hear the silent call, when the world must come together as one. Say happy for dying, a night to make a name. Tonight is when the freedom flows. On est Boulogne, on est Boulogne, on est Boulogne. On mange des moules et on boit des bières, on dans les fiers. Et si tu ramènes le je te jure, on va te pleurer. Et souviendra longtemps des boulonnais. On est boulonnais, on est boulonnais, on est boulonnais. On mange des moules et on boit des bières et on dans les fiers. Si tu ramènes le gueule, je te dis on va bouiller. Et tu te souviendras le temps des boulonnais. On est boulonnais. Voilà, merci public. C'était pour nous. Et là, c'était du live. C'était du live. On vient de la chantilly. Ah, faut pas me chômer. One night in, je sais plus quoi là. C'est quoi Michael Jackson là? One night for Haiti. On est formidique, on suit le dick. Oh non.